Je vivais seul avec elle, si près et si loin en même temps. On venait de passer une drôle d'année ensemble, mais seul pourtant. Chaque jour m'éloignait tellement d'elle, je perdais un amour, peut-être une amie. Cœur à l'envers, les yeux pleins d'eau, sans trop vouloir te faire souffrir. Quand je pense à mon passé, j'ai le goût de m'en aller. Quand je pense à l'avenir, j'ai le goût de partir. Oh, providence, providence, c'est à toi que je pense, providence. Oh, providence, providence, providence. Il faut croire qu'un dieu pour les gars comme moi, qui te lance un signe quand t'es plus sûr d'aimer. Mais du coup, j'ai senti l'appel pour suivre encore ce chemin de la providence. Quand je pense à mon passé, j'ai le goût de m'en aller. Quand je pense à l'avenir, j'ai le goût de partir. Ma destinée. Quand je pense à mon passé, j'ai le goût de m'en aller. Quand je pense à l'avenir, j'ai le goût de partir. Oh, providence, providence, c'est à toi que je pense, providence. Oh, providence, providence, c'est à toi que je pense, providence. Avec elle.